Chers amis, bonjour. Je vous avais promis la compagnie de jeunes francophones devant ce micro. Eh bien, pour l'instant, personne n'est venu au rendez-vous, mais qu'à cela ne tienne, nous allons passer ensemble ces petites minutes le plus agréablement possible. Aujourd'hui, j'ai pensé faire une petite lecture en diagonale du journal. Journal francophone, bien entendu. J'ai regardé ça et là, et qu'est-ce que j'ai vu? Bien, j'ai vu la France en grève. Tiens, une fois de plus, pas très original. D'abord les avions, Air France en grève, et on dirait que le concert européen va commencer puisque Iberia répond de la même façon. Est-ce que les dirigeants européens se donneraient de mauvaises idées par hasard? L'Europe n'est tout de même pas faite pour ça. Bon, mais vous allez me dire, vous ne prenez pas l'avion, qu'importe. C'est vrai. Plus ennuyeux, les grèves des transports en commun. Le RER A et le RER B à Paris. Pour les Français, les transports en commun représentent le moyen d'aller travailler et dans les grandes villes, c'est la grande pagaille. Et pourtant, nous avons une nouveauté, c'est le service garanti. Qu'est-ce que le service garanti? Eh bien, c'est une invention du président de la République qui nous a dit cet été que la France est en train de changer. Je cite, « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. » Tout le monde a bien ri, bien entendu, vous imaginez. Tout le monde sait que le jour de grève, ça signifie aller au travail à pied, ou bien même ne pas aller au travail du tout, c'est-à-dire ne pas être payé. Dans l'enseignement, nous avions déjà le service minimum. Le service minimum, c'est en fait un service minimum d'accueil dans les établissements scolaires, de façon à ce que les enfants ne soient pas dans la rue ou ne restent pas désœuvrés les jours de grève des enseignants. Mais pour les sociétés de transport terrestre, parce que les transports aériens ne sont pas concernés par cette mesure, il n'y avait jusqu'à présent aucun service minimum prévu par la loi. Ce qui fait que, dès lors que le taux des grévistes devient élevé, les répercussions sur la vie quotidienne sont incroyablement lourdes, est souvent irrémédiable. Donc cette loi qui garantit ce service garanti, devrait obliger tout simplement les grévistes à se déclarer individuellement 48 heures avant le début de tout conflit social. Et cette loi prévoit qu'un conflit soit précédé d'une négociation de 8 jours entre les syndicats et les entreprises. Ce qui devrait tout de même permettre aux gens de réfléchir avant de déclarer une grève. La loi permet aussi de réaffecter le personnel d'une ligne vers une autre ligne. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le métro parisien, par exemple, qui comporte 14 lignes, chaque ligne est plus ou moins marquée par les directives d'un syndicat différent. Ce qui fait que les grèves ne sont pas suivi de la même manière sur toutes les lignes. Ce qui fait que, sur certaines lignes, le personnel n'est pas en grève, donc le personnel qui se trouve, en jour de repos, serait donc affecté automatiquement vers une autre ligne. Bien, pas bien, mais je ne sais pas trop. Je peux pas trop vous dire parce qu'en fait les grèves c'est quelque chose de très spécial, donc il est un petit peu difficile de donner une opinion, mais ce service garanti en fait ne garantit pas grand chose, il faut bien le reconnaître, puisque grâce à ce dispositif les usagers simplement pourraient mieux prévoir leur déplacement ou peut-être même rester chez eux, ce qui revient pratiquement à la situation antérieure. Alors donc, la langue nous tromperait-elle? Ou est-ce que ce sont les politiques qui se chargent de nous tromper? J'ai lu aussi qu'un député niçois a proposé d'instaurer l'obligation pour les sociétés de transport d'élaborer tous les ans une liste d'agents volontaires pour remplacer leurs collègues en cas de grève spontanée, et aussi d'assouplir les critères de réquisition du personnel en cas de grève prolongée. Cette proposition de loi n'a pas encore été discutée par l'Assemblée nationale, mais elle prouve bien que les choses sont en train de changer. À la suite de cet article, j'ai trouvé des commentaires de lecteurs, bien sûr, et j'en ai trouvé un particulièrement sympathique qui s'intitule « Venez à Madrid ». t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous nos faces avinées? Tous les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Qu'en se mordant la bouche, le gouant revenait, et qu'il y avait du sang qui ne sécherait pas. Tu me donnais la main pour boire de ce sang-là. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels, immortels, immortels. As-tu pensé parfois que rien ne finirait et qu'on soit là? Quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi. Mais je te suis de près. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels, immortels, immortels. À lire le journal avec vous. Et qu'est-ce que je trouve? Un titre surprenant? Pas vraiment. Regardez. Trafic de diplômes. Le président de l'université de Toulon démissionne. Le président de l'université, vous savez ce que c'est le recteur. Toulon, vous savez où c'est? Non, peut-être pas. C'est à côté de Marseille. C'est une grosse ville d'environ 160 000 habitants à laquelle on peut ajouter une grosse, grosse banlieue qui fait totaliser environ 500 000 habitants, donc une grosse masse de population qui a donné lieu à la naissance d'une université, qui est l'université de Toulon, qui est donc indépendante de l'université d'Aix-Marseille. Bien, le président de l'université démissionne. Vous voyez, comme on dit en espagnol, en todos los sitios se cuecen habas y en la mía a calderadas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, une histoire de trafic de diplômes. Il semblerait que le président couvrait un trafic de diplômes au profit d'étudiants chinois. Les étudiants chinois achetaient les diplômes à 2700 euros par l'intermédiaire de camarades qui les mettaient en relation avec l'administration de l'université. Et tous ces gens profitaient donc de cette espèce de manne qui venait donc des étudiants chinois. On a même découvert qu'un étudiant chinois avait vendu à lui tout seul 300 diplômes. Il avait monnayé 300 diplômes. Et alors le plus curieux, c'est que la plupart des Chinois en question ne savaient pratiquement pas le français. Mais par contre, on a découvert que dans une filière comme l'IAE, c'est-à-dire l'Institut d'administration des entreprises, c'est-à-dire l'équivalent de l'AB, ici en Allemagne, eh bien, ils étaient reçus à 100%, alors que les étudiants français n'étaient reçus qu'à 90% dans l'ensemble. C'était tout de même un résultat assez curieux pour des personnes qui étaient à peine capables de sortir quelques mots dans la langue de Molière. Apparemment, ces Chinois, on les connaissait bien et on les appelait les étudiants présidents parce qu'on savait qu'ils étaient protégés par le président. Alors évidemment, cette affaire, c'est tout de même bien triste, elle est assez croustillante, mais elle est tout de même un petit peu triste parce qu'elle ne rend pas vraiment service à notre université. Mal en point, et elle n'avait pas vraiment besoin d'une histoire pareille pour maintenir sa renommée. Et pendant ce temps-là, le ministre de l'Immigration lance une nouveauté. Eh bien, ce sera la dernière nouvelle dont je vais vous parler pour aujourd'hui. La nouveauté, c'est un dispositif pour récompenser tous les ans 200 jeunes ultra-méritants issus de l'immigration. Ce sont des bourses pour les surdoués de l'immigration. Pour prétendre à ces bourses, il faut être arrivé en France sans parler français. L'enfant doit alors réussir sa classe d'adaptation et puis réussir ses études secondaires, obtenir un bac avec mention et puis opter pour une filière d'excellence au sein des grandes écoles ou des IUT dans les facultés. Cette bourse s'élèvera à 7200 euros répartis sur 3 ans. Il y aura tout un système de sélection et ce système permettra donc d'essayer d'intégrer au mieux les étudiants étrangers méritants. Voilà une bonne nouvelle dont je voulais vous faire participer. Bien, je crois que notre temps est terminé. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et ce sera encore pour moi un très grand plaisir. Au revoir, à bientôt.